Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 142. Des vices opposés à la tempérance. L'insensibilité, l'intempérance. Comparaison entre l'intempérance et la timidité. L'intempérance est un vice honteux. 1. L'insensibilité est-elle un vice? Tout ce qui est contraire à l'ordre naturel est vicieux. La nature, qui a attaché le plaisir à tous les actes nécessaires à la vie humaine, fait donc une loi à l'homme d'en user autant que l'exige sa propre conservation et celle de l'espèce humaine. Si on le fuyait au point de négliger ce que demande la conservation de la nature, on pécherait contre l'ordre naturel, ce en quoi consiste le vice de l'insensibilité. Cependant, il est louable et quelquefois même nécessaire de s'abstenir des jouissances que procurent les opérations naturelles, lorsque cette privation a un but. De même que l'on se prive des plaisirs de la chair et de la table pour la santé du corps, de même que les athlètes et les soldats s'imposent des privations pour remplir les devoirs de leur état. De même les pénitents emploient l'abstinence pour la santé de l'âme, de même les personnes qui veulent se livrer à la contemplation des choses divines combattent avec plus de soin les désirs de la chair. Conforme à la droite raison, ces mortifications n'appartiennent point au vice de l'insensibilité. Note. Daniel ne regardait point comme illicite les plaisirs dont il se privait volontairement pour vaquer à la contemplation, il atteignit son but, comme le prouve la révélation qui lui fut faite. Sur ce fondement, les hommes livrés à l'oraison et à la sanctification des âmes s'abstiennent de beaucoup de jouissances que peuvent se permettre ceux qui s'emploient aux travaux du corps et à la génération de la chair. Fin de la note. 2. L'intempérance est-elle un vice puéril? L'intempérance, sorte de concupiscence superflue, a plusieurs points de ressemblance avec l'enfance. L'intempérant ne s'inquiète pas plus que l'enfant de troubler l'ordre de la raison, ni l'un ni l'autre ne sont retenus par la honte. Comme l'enfant, abandonné à ses mauvais penchants, devient incorrigible, l'intempérant, qui ne réprime pas sa concupiscence, la tourne en habitude et en nécessité, elle s'accroît de toutes les satisfactions qu'il lui accorde. L'intempérant et l'enfant ont besoin du même remède, qui est la correction. L'Esprit Saint dit, tenez l'enfant sous la discipline, frappez-le de verge, pour sauver son âme, Proverbe 23, 13. Or c'est de la sorte que l'on réduit la concupiscence. Note. On le voit, l'intempérance est un vice puéril, dans le sens qu'elle a une certaine ressemblance avec ce que font les enfants. Fin de la note. 3. La timidité est-elle un vice plus grand que l'intempérance? La timidité est plus excusable que l'intempérance, pour quatre raisons. D'abord, elle est très naturelle en présence des périls de mort, à cause du désir de conserver notre vie. L'intempérance nous porte vers des plaisirs moins nécessaires à la conservation de notre existence. En second lieu, portée à l'excès par les dangers de mort, la crainte trouble la raison de l'homme plus que l'intempérance, et le laisse moins maître de lui-même. Troisièmement, l'intempérance est plus volontaire que la timidité. Les actions faites par plaisir sont absolument volontaires, celles qui se produisent sous l'empire de la crainte sont mêlées de volontaires et d'involontaires. Quatrièmement, les plaisirs de la table et de la chair se présentent tous les jours, il est plus facile de les réprimer que de remédier à la crainte des périls de mort, dont les cas sont plus rares. 4. L'intempérance est-elle le péché le plus honteux? Le philosophe dit, L'intempérance est le plus ignominieux de tous les vices. En effet, infiniment opposée à l'excellence de l'homme, elle le rabaisse au rang des brutes, comme le marque cette parole du psalmiste, « L'homme élevé en honneur n'a point compris sa dignité, il s'est comparé aux bêtes sans intelligence et s'est fait semblable à elles. » Psaume 48-21. De plus, elle est contraire à la clarté et à la beauté de la vertu. Dans les plaisirs auxquels elle s'abandonne, on ne voit briller d'aucune manière les lumières de la raison, à laquelle la vertu emprunte toute sa splendeur. Aussi les appelle-t-on des plaisirs bas et serviles. Il suit de là que l'intempérance est le plus honteux de tous les vices. Note. Quoi qu'il y ait des péchés plus graves, l'intempérance n'en est pas moins le plus ignoble de tous. L'habitude peut en diminuer l'infamie dans l'opinion des hommes, elle n'en change pas la nature. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.